بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le charh de notre frère الشيخ أبو حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمة الله عليه. Parmonier ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mada akhadna fi d-dars al-sabiq? Tfaddal. Akhadna al-fard. Wa huwa. Al-fard. Wa huwa inqasim ila qismain. Mutlaq wa nisbi. Mutlaq wa nisbi, na'am. Wa sayati ma'ana ba'd. Aw ma'akum fi kutubin ukhra. Tfaddal. Fa ma ma'ana al-fard? مثلا في النسبي أن يكون في الإسناد راوي ثقة واحد بس يعني لا يكون ثقة إلا هم أو أن يكون المتن مروي من أهل يعني نعم مثلاً. أي نعم أي من مفاريد سبسانتي مفاريد سبسانت فرد نعم مثلا هذا الحديث ما جاء إلا عن أهل مكة عن أهل اليمن عن أهل الشام تفرد به فلان من الرواة وكذلك من مفاريد الصحابة أي ما رواه من الصحابة إلا عمر هذا الفرد إن شاء الله لديتايب وليفغي بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف المعل الحديث المعلول المعلل il a plusieurs noms il l'appelle معلل il l'appelle معلول il l'appelle كذلك معل le pluriel احاديث معلل tous ces noms حقيقة المعنى متقاربة ça vient de ce hadith il a une عله الامام البيقوني رحمه الله عليه dans sa manzoma il l'a appelé معلل هذا القسم Il est muhim jiddan, ay al-hadith al-mu'all. Khassatan, anna zahir al-hadith, comme on a cité, min qabl, anna zahir had al-hadith al-mu'all, c'est sihha. En apparence, tu lis le isnad, tu vois pas directement un défaut, une illa. Falihada kathir, min al-muhadithin, rubbama yadiron que ce hadith il est sahih ou hasan. Et tu trouveras un hafid min al-huffad, qu'à Bukhari, ou l'imam Ahmed, ou Dara Qutni, ils diront à l'hadith, fihi kalam. Fihi kalam, thumma, ils te citeront en détail et te montreront qu'il y a une illa. Foulan, fil haqiqa, il n'a pas entendu un foulan. Foulan, fil haqiqa, le hadith, il est mursal. Fil haqiqa, le hadith, il est mokouf. Donc, c'est min ahamma yakoun hada al-qism. Qism al-mu'all. Et on avait vu, Fishurot al-Sihha, Anna Labud, que ce Isnad, pour qu'il soit sahih, ou Hassan, Labud an yaslam min al-illa, al-qadiha. Labud yaslam min al-illa. Aïe, il ne faut pas qu'il y ait une illa, aïe, un défaut dans ce Isnad qui montre que ce hadith n'est pas sahih, ou Hassan. Et ça, on l'a vu dans Shurot al-Sihha, et on avait dit qu'on allait expliquer al-illa ou al-hadith al-mu'al. En détail un peu plus, et inshallah c'est aujourd'hui avec ce qis. Qala al-Sheikh Saïd, rahmatullah alayhi. Al-Mu'allal, et on a dit, كذلك يجوز أن يقال المعلل. كذلك يجوز المعلول. لكن al-Sheikh Saïd, rahmatullah alayhi, il emploie le même terme que l'imam al-Bayquni. Hatta tu fais le lien. Mu'allal, il dit mu'allal. Qala al-Mu'allal min al-Hadith. من أدق علوم الحديث صحيح من أدق وتعلمون أن الدقة c'est la précision quelque chose de دقيق قال tu vois bien la différence مثلا si on te cite un hadith معضل أو un إسناد معضل ما من واحد qui a des connaissances في هذا العلم il va comprendre أنه il est ضعيف il manque plusieurs personnes dans l'إسناد واضح tu vas voir la différence avec المعل الآن L'apparence, tout le monde a écouté à tout le monde. C'est des thiqa. En apparence, tu vois pas qu'il y a un défaut. C'est pour ça que l'ulama al-an il te montre أن هذا القسم من أدق علوم الحديث. Il faut un juhd, et il faut du bahth, et il faut jam' al-turuq pour s'apercevoir et pour reconnaître أن dans ce isnad il y a une illa, c'est Fulan. Maintenant il n'a pas entendu un Fulan. وهكذا. قال المعلل من الحديث من أدق علوم الحديث لخفائه حتى قال ابن مهدي عبد الرحمن رحمة الله عليه من أئمة الحديث من المحدثين الكبار الحفاظ. Il est souvent cité avec l'imam Ahmed. Ils sont de la même génération. Et l'imam Ahmed يثني عليه كثيرا. Et عبد الرحمن ابن مهدي يثني على الإمام أحمد كثيرا. فهذا من أئمة السنة رحمة الله عليه. لخفائه قال. الخفاء معروف. C'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas واضح. Qui apparaît pas à tout le monde. Je dis ça, c'est quelque chose de khafi, et de caché. Enfin, cette illa, vous allez voir que elle est khafi, elle apparaît pas à tout le monde. قال حتى قال ابن مهدي معرفتنا له عند الجاهل كهانة. نعم معرفتنا له أي علل الأسانيد. Toutes ces manipulations qu'ils font avec l'asanid, tous ces kalams. عند الجهال كأنه سمن الكهان كأنه سد لصقصلغي لأنه ما يفهم ما يفهم كلام المحدث الجاهل خاصة quand ça rentre في هذه المسائل. قال ولهذا لم يتكلم فيه إلا الحذاق من العلماء. الحاذق c'est celui qui بارز في العلم. الحاذق c'est il a très haut niveau في العلم. الحاذق من العلماء والحذاق من العلماء البلوغيال. قال كالبخاري والدارقطني. البخاري son livre الصحيح يبخوف هذا أنه كثير من الأحاديث المعلة ظاهرها الصحة. بعض الناس peuvent se demander pourquoi l'imam البخاري n'a pas cité ce hadith. Je t'apercevra كثيرا ين علة. Et هو سان حافظ سان إمام. Il n'a pas cité dans son صحيح. كذلك son livre التاريخ il cite من هذا كثيرا. تاريخ الكبير للبخاري الست الرجال الست دي مسائل في هذا. أما الدارقطني فمعروف إلى إكري سن سيلبر ليفر العلل et c'est أحسن ما كتب في الباب علل الدارقطني. Ils l'ont imprimé en une dizaine de volumes et il est معروف. والعجيب أنهم يديز بعضهم يروي أنهم إلا إكري من حفظه كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه si c'est vrai, si c'est صحيح أنه إلا إكري il l'a écrit min hifdhih fa'ajib fa'ajib bal qali la qualifié de imam ad-dunya s'il l'a écrit ce livre min hifdhih al-qira'a la simple lecture dans ce livre tat'ab la simple lecture c'est pas tout le monde qui peut lire dans ce genre de livre al-ilal lid-daraqutni fa ma baluk huwa in thabata annahu illa écrit min hifdhih yani c'est ajib il cite un hadith thumma il te montre pourquoi il est mu'all. Et il cite une deuxième tariqa, une troisième, une quatrième. Il cite des fawa'id fil rijal, fulan, est-ce qu'il a entendu un fulan, des nuqulat. Fata'ajjab s'il a tout ça dans son hifd. Lui, c'est même plus une mas'ala d'ihfad l'hadith. Le hadith, il est mahfoud. La ihfad hatta at-turuq wal kalam. Fara sallallahu subhanahu wa ta'ala, yarhama. Al-imam Daraqutni, c'est aya min ayatillah fi hadha l'ilm. Et il a son livre, sunan, et il a son livre, al-ilal. Ala kulli hal. Ça te montre que ce n'est pas tout le monde qui parle de ça. Ce n'est pas tout le monde. Nous, dans ce ilm, on suit ceux-là. Ça ne veut pas dire que tu qallades. Là. Abedan, tu ne qallades pas. Parce que si un khilaf entre Daraqutni et le Bukhari, il y aura un tarjih à faire. Et ça, ça dépend du niveau du talib, ou du niveau du shir, etc. Lakin, à l'istiqlal, à y sortir des ahkams que personne n'a sorti avant toi, أو تحكم الناس حديث لمعالي personne l'a dit avant toi ça c'est un fath bab dhalal لأن هؤلاء ils ont rencontré الروا هؤلاء ils ont vécu cette époque هؤلاء ils ont fait des recherches avant toi فأنت تستفيد منها sans قلد هذا c'est مهم. نقرأ بعض كلام العلماء qu'il a cité أخونا الشيخ حسين pour montrer l'importance de ce علم l'importance de ce قسم المعال. قال ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه النكت الحافظ ابن حجر كذلك تعلمون صنيبو حافظ كذلك اعتنى بهذا كثيرا فهو كثرة الاطلاع et tous les livres qu'il a écrit في هذا الفن il va te montrer l'importance de هذا أولا c'est une فائدة قال فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا لماذا pourquoi on n'appelle pas le hadith المنقطع qui c'est que nous rappelle c'est quoi le hadith المنقطع السقط في الإسناد لماذا on ne l'appelle pas معل لأنه ليس سقط واضح المنقطع pourquoi on ne l'appelle pas معل أحسن parce que c'est واضح لأن المشكلة كي dans الإسناد السقط il est واضح مثلا un واحد entre lui et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il manque واحد. Alors un exemple plus concret, Al-Mu'dal. Il y a un saqt. Alors mon qatir wadih, Foulan, il n'a pas entendu de Foulan. Tu trouves le premier livre, Frijal, Rubama, tu trouves Hada. Hada, il ne l'appelle pas Mu'al. Lianna saqt, il est wadih. Et le Mu'al, on avait dit, c'était quoi? La définition qu'on a donnée, Cheikh Saïd? Naam, ghamid, khafi. Ahsan. Qala Cheikh Saïd, Al-Mu'al, min al-hadith, min adaq al-ulum, thumma qala, on n'a pas cité encore le, on n'a pas cité le ta'rif. Taqdah fi sihhatih. On a fait une ishara. An al-saqt, on avait lu de hada de l'imam al-Bayquni. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa. Al-ghumud, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Ghamid, tu dis. Ghamid, c'est pas wadih. Wa al-khafi ma'rouf indakum. Hadith, c'est une faïda. An al-hadith, qui est dha'if, un dha'f wadih. إما انقطاع واضح إما كذاب فيه مثلا الحديث الموضوع مقدر معل الموضوع فيه كذاب زنديق العلماء يجيغون با معل قال الحافظ رحمة الله عليه ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضاعف معلولا لماذا حتى سيا مجهول أو يا راوي لضعيف مجيغه با معل لماذا واضح نعم كذلك لأن المعل ظاهره ظاهره الصحة tu vois un رجال الإسناد c'est des ثقات أما كذاب tu diras موضوع أو un ضعيف ضعف شديد tu diras ضعيف أو un مجهول on dira فيه جهالة tout ça ils disent pas العلماء معل لا لأن سبب الضعف il est واضح donc كلام الحافظ الآن il est مفيد جدا tu fais la différence entre un ضعيف et un معل المعل il est من قسم الضعيف لكن ce qui change في المعل أن le سبب il est pas clair il faut des recherches c'est pour ça que العلماء comme on va voir ils disent أن c'est pas tout le monde qui parle في هذا لأن c'est un niveau élevé c'est الحفة قال وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره على شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلام من ذلك هذا ظاهره السلامة ظاهره الحسن أو الصحة لكن tu verras qu'il y a un défaut qui est khafi c'est pas tout le monde qui le voit et العلماء diront ce hadith il est mu'al قال فائدة من أهل الحديث on a fini كلام الحافظ ça c'est فائدة que أهل العلم cite et on l'a cité أن من أهل الحديث من يسمي هذا النوع المعل قال والمعلل قال والمعلول tout ça, on l'a cité. C'est plusieurs noms pour désigner la même chose. Rubama ba'dahum yafarraq dans certaines choses, vous verrez dans les kutub al-muwassa'a. Lakin pour l'instant, nahnu tous ces asma, tous ces alfaz, c'est pour montrer la même chose. Qala ibn al-Salah rahimahullah dans sa muqaddimah, i'lam anna ma'rifat 'ilal al-hadith. Al-'ilal jam'u 'illa, wal 'illa ma'rufa. Tu peux traduire par un défaut. قال من أجل علوم الحديث وأدقها صحيح. C'est parmi les choses les plus précises في هذا العلم. وأشرفها كذلك un فضل عظيم. Enfin c'est pour ça que الأئمة qui sont قوي في هذا كالدارقطني والبخاري والإمام أحمد etc. الإمام مسلم. C'est pour ça qu'ils ont un niveau élevé. Ils sont reconnus عند المحدثين أنهم سيد حفاظ. قال وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب فهم الثاقب ils ont une compréhension il l'a qualifié de ce فهم de ثاقب elle est précise elle est قوية قال وقال ابن حجر رحمه الله المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. نعم هذه الصفات صفات المنكر لذا حفظ واسع معرفة بالرجال إلى قوة علمية حفظ الأسانيد والمتون اطلاع واسع ثم يبغى تجير avec toutes ces caractéristiques il pourra te dire مثلا فلان il a pas entendu de فلان pourtant c'est une thika لكن il sait lui avec sa معرفة et tous les efforts qu'il a fait et toute sa lecture tout son hifz il sait que فلان il a pas rencontré فلان alors il sait que فلان il a rapporté des hadiths à فلان mais pas ce hadith نحن tout ça on peut pas le savoir خاصة à notre époque on suit هؤلاء في هذا الباب c'est des thikat مثلا l'imam Bukhari te dit فلان il a pas entendu عن فلان c'est un thika tu prends عن et t'estavid amma tu veux faire les choses tout seul في هذا الباب c'est un باب نهلك وضيع. C'est pour ça que tu trouves min al-mu'asirin khalif haula. Il da'af مثلا des hadith. Tu regardes al-huffad, ils les ont jamais da'af. Ben ils ont accepté. Et tu le trouves quoi? Il a des connaissances, il a appris des choses, il pense khalas, il peut être indépendant fi hada. Abadan. Haula Allah subhanahu wa ta'ala les arfa. Et ils étaient avant nous. بعض المحققين في هذا العصر يضعف في صحح هذه الشوز في الحقيقة تغني أئمة الشأن أئمة الحديث تتخوف يسون في واد هم يسون في واد آخر في الحضر سبب ما بديك يا فادي اجتهاد خاصة أئمة كالإمام الألباني إمام محدث العصر أو الشيخ مقبل أو مثل هؤلاء لكن دير أو ستة حكم أو ضعف بيرسون تبخسدي في هذا الباب لا لأن هؤلاء ils ont connu et ils ont fait les efforts avant nous. قال ولهذا toujours la parole de Hafid ibn Hajar ولهذا لم يتكلم فيه أي في المعلم إلا القليل من أهل هذا الشأن إلا القليل. الآن يتبعون المحدثين c'est pas tout le monde qui parle في هذا الشأن. Et il cite des exemples كعلي بن المديني le sheikh de l'imam al-Bukhari quand l'imam al-Bukhari dit حدثنا علي c'est هو ابن المديني قال وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين قال والدار قطني tout cela dans les livres de Hilal ils citent souvent leur كلام ce كلام il l'a pris de النزهة نزهة النظر وقال ابن كثير رحمه الله هو فن خفي أي المعل c'est un فن خفي c'est une matière c'est pas tout le monde qui va comprendre قال على كثير من علماء الحديث ما بالك أن الإمام ابن كثير تدس خفي على كثير من علماء الحديث ما بالك طلاب علم ما بالك الجهال أما الجهال ils vont pas comprendre كما قال عبد الرحمن ابن مهدي ils vont penser que c'est de la sorcellerie comment il dit ça comment il prétend ça ما يفهم قال حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجهال الشيخ سعيد il l'a rapporté عن عبد الرحمن ابن مهدي أو On l'a lu d'où, nous, min Abd al-Rahman ibn Mahdi. C'est là, هنا. تمام. Ah, نعم. الشيخ سعيد qui a rapporté هذا. Et apparemment, il y a d'autres imams. Elle est مشهورة, هذه المقولة. فالظاهر أنها ثبتت عن عبد الرحمن ابن مهدي et d'autres. Ça, c'est كلام ابن كثير. Et من أحسن ما كتب في هذا الباب, on a dit, c'est كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمة الله عليه. كذلك علل ابن أبي حاتم المحدثون يغوبين أسو جور دو كتب من المعاصرين celui qui a écrit كذلك un كتاب il est مختصر لكن il est مفيد جدا في هذا الباب الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه أحاديث معلة ظاهرها الصحة c'est un كتاب نافع ce كتاب كما تقدم on vous avait déjà cité أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه quand il a écrit son livre صحيح المسند مما ليس في الصحيحين On a déjà expliqué pourquoi elle écrit ce livre. C'est un rad sur ceux qui disent que tout ce qui est en dehors de Sahihain, ce n'est pas Sahih. Ils ont restreint le Sahih dans le Bukhari ou le Muslim. Sahih al-Bukhari ou le Muslim. Voilà, c'est un khata kibir. Hatta l'imam Bukhari et le Muslim, ils n'ont jamais prétendu qu'ils ont rapporté tous les hadiths Sahih à Abedan. Ils ont des shurut, ils ont fait un effort et ils ont écrit ces deux livres. Et c'est min anfasil kutub. Cheikh Mokwil, il a rad à la. ceux qui prétendent hada, et il a écrit ce livre, As-Sahih al-Musnad, mimma laysa fi sahihain. Plein d'ahadith qui sont fi Musnad Ahmed, ou As-Sunan, Sunan Abi Dawood, Sunan al-Tirmidhi ibn Majah, Nasa'i, et d'autres livres, Muwatta l'Imam Malik, etc. Et il te montre qu'il est sahih. Il te montre qu'il est sahih, et il n'est pas fi sahihain. Donc ce kalam, il est batil. De prétendre que tout ce qui est en dehors de Bukhari et Muslim, de leur sahih, c'est pas sahih. Ça, c'est un kalam batil. Pendant son écriture, toutes ses recherches qu'il a fait, tous les hadiths, ahyanan, ça lui est arrivé de trouver un hadith, zahiruhu sihha. Il le cite dans le Jami' al-Sahih. Et ahyanan, il le cite pas. Là, il se rend compte qu'il y a une illa. Il se rend compte qu'il y a une illa. L'imam, al-Sheikh Mouqbil, rahmatullah alayhi, c'est un muhaddith kabir. Et il a du ilm fi hada al-bab. Ahyanan, il a cité ce hadith, comment il l'a retiré بعد. Il s'est aperçu avec le temps qu'il y avait une illa. Il le retire de Sahih al-Musnad. Ou il dit à ceux qui impriment le livre, la prochaine fois que vous l'imprimez, ce hadith, vous le retirez. Tu le trouves dans le Jami' al-Sahih. Tu trouves dans le Jami' al-Sahih, ahyanan, vous avez remarqué, il y a un point d'exclamation avant le hadith. Et en bas, il y a une note, Al-Sheikh Mouqbil Taraja. Sheikh Mouqbil, avec le temps, il s'est aperçu que ce hadith fait ضعف. Et il te cite la illa. Thumma, il te dit, vous retirez ce hadith du livre. Lakin de laisser, il y a une faïda pour te montrer que la illa, et il est revenu dessus. Tamam. Lakin, l'essentiel, c'est qu'il y a un tambih. Sahada, c'est tayyib. Donc, avec le temps, Cheikh Mouqbil, rahmatullah alayh, il a rassemblé plusieurs hadiths. Kama qala huna, naqra nas kalameh. Ça, c'est muqaddimat hadith mu'alla, zahiruha s-sihha. Qala, amma ba'd. Après avoir cité al-basmala wa al-hamd wa al-thana ala Allah, qala, amma ba'd. Ça c'est كلام شيخ مقبل. فإني في بحث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كانت تمر بي حديث ظاهرها الصحة. لأن son شرط الشيخ مقبل رحمة الله عليه dans المسند كذلك الجامع الصحيح c'est le même livre sauf qu'il l'a rattab à l'abouab الفقهية son شرط c'est الصحة. Il faut qu'il soit muttasil, il faut que ça soit des fiqa, il faut pas qu'il y a il faut pas qu'il soit shad, il faut pas qu'il soit ma'loul ou mu'l. Donc c'est ça son شرط. Donc avec ses recherches et l'écriture de son livre, qala tamurru bi hadith zahiruhu as-sihha, il a trouvé des hadiths zahiruhu as-sihha. Qala fa ajiduha fi kitabin akhar mu'alla. Thumma avec les recherches, et ça te montre an-Sheikh Mouqbil avec sa makana, avec son niveau, il revient à kutub ahl al-hadith. Il la trouve dans l'autre kitab mu'alla. Donc al-an ça va être son ijtihad. Est-ce que la illa elle est est-ce que l'intiqad il est sahih ou la? Qala wa rubbama yattali'u 'alayha bahith min al-ikhwa al-bahithin كذلك. Ça ça montre son tawadhu. Annahu sirta hadith c'est pas lui qui a trouvé l'illa, c'est un autre. Un de ses tulab. Il lui dit ya cheikh, ce hadith que tu as cité, c'est sahih al-musnad, il y a une illa. Al-Imam Daraqutni il a dit. Al-Imam Abu Hatim il a dit. Al-Imam Al-Bukhari il a dit. Al-Imam Ahmed il a dit. Fa cheikh Muqbil il regarde, il vérifie, Thomas, il dit sahih. Hadith il est mu'al, il l'enlève de as-sahih al-musnad. Ça, ça montre que al-mudarris yastafid min talamidhi. Tawadhu, c'est muhim. Si, bien sûr, le conseil ou la faïda, elle est bi'ilm. قال فيظن انها مما يلزم مما يلزمني اخراجه فافردت لها دفترا حتى اجتمع لدي نحو 400 حديث. Ça, ça montre l'importance de prendre des notes. La haqiqa, ce livre, à la base, c'était un daftar, il prenait des notes, Cheikh Mouqbil. Avec ses recherches, il disait, ce hadith, je l'ai mis, il est mu'al, et il cite la illa. À la fin, il s'est retrouvé, rahmatullah alayhi, avec 400 hadiths. C'est ce livre. Sauf, si tu viens avec cette tab'a jamila, si tu viens à prendre le nombre de hadiths, belle presque 500. En Rubama, ils en ont rajouté, na'am. Ils sont arrivés à un peu plus de 500. Rubama, avec le waqt, il en a rajouté. Non, 500 hadiths. 500 et exactement, on va citer. Non, 525 hadiths. Ta'ammal Sahih al-Musnad, il avait l'intention d'écrire un livre. Il l'a écrit Sahih al-Musnad. Deuxième livre, Al-Jami' al-Sahih. Il le rattab comme l'imam al-Bukhari, il a fait à l'abouab al-Fiqhiyya. Troisième livre, qui sort du premier bahth, ou deuxième livre, si on compare Sahih al-Musnad, Ahadith Mu'alla. Tout ça, c'est des prises de notes. Le talib il est comme ça. T'as des dafatir. Et ça montre كذلك l'importance de le mutala'a et de le bahth. Hein, t'as probablement tu vas faire un bahth ou tu vas lire مثلا. On donne un exemple, tu vas commencer à lire fi kutub at-tawhid. Tu étudies le tawhid et un talib il fait le mutala'a, tu vas commencer shuruhat kitab tawhid, شروحات كالشبهات تشوف على ليفغ ابخي دي ليفغ دو شيخ الاسلام دي ابن القيم اكسيتيرا ربما شاك فوا كو تولي تشوف افوار ان تعريف العلماء يسيد تعريف تعريف الاستعانه تعريف تعريف الاستعاذه تعريف الخوف تعريف الرجاء اشاك فوا تشوف نوت تاع دفتر ربما على فان سو ان بحث تولي تعاريف في التوحيد شو غاجوت من هنا من هنا ربما تاع بحث طيب دون تعاريف في التوحيد طلابين زون بوزون جدا هذا Et c'est ce qu'ils ont fait avec le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. Ta'arif l'i'tiqadiyya. Un talib, il a lu les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen. À chaque fois, il lit, à chaque fois, il note les ta'arif de Tawhid, il a sorti un mujallad. C'est ça l'ilm. Amma, lecture, c'est dû à peu près, de temps en temps, pas de notes. Une semaine, t'as oublié ce que t'as lu. Talib ilm, c'est hada. Talib ilm, c'est des efforts. Talib ilm, c'est des fruits. Tamara. C'est un exemple avec Cheikh Mouqbil, rahmatullah alayhi. Là, son livre, c'est une référence à Hadith Mu'alla. Tu veux connaître des Hadith Mu'alla et tu veux savoir, tu vas avoir une nubda mukhtasa, c'est le kitab. Rahmatullah alayhi. Kadalik tamarat al-ikhlas, wal-yaqin, wal-sitq. Nahsibuhu kadalik, wallahu hasibu al-jami'a. Thumma idi wa ghalib hadhi al-fawa'id. Min kutub ahl al-ilm. Et Cheikh Mouqbil, il sait ce qu'on a dit l'an. Anna ce qism, tu reviens ahl al-ilm. C'est eux qui étaient avant nous, c'est eux qui ont su, c'est eux qui ont trouvé les ilal. Reviens. L'imam Bukhari te dit, hada c'est mu'al. Tu regardes et stafid. Stafid minhu. قال وغالب هذه الفوائد من كتب اهل العلم كما سترى ان شاء الله. قال فليس لي الا الجمع. والحمد لله الذي وفقني لذلك. انصاف. هذا الامام الله سبحانه وتعالى اللي élevé pour ce genre de kalam. تواضع. Il te dit, انا moi, j'ai que copié kalam. Qui a dans les livres de Daraqutni d'Imam Ahmed al-Bukhari, je vous l'ai mis dans ce mujallad. Falaysali ilal jam', moi j'ai rassemblé, faqat. Amma le kalam, tu lis, c'est. Tu vas voir, on va citer quelques exemples. C'est kalam al-Hufad, il te dit. Fil ilal, il te dit le mujallad. Chaque fois tu regardes hadith mursal. Abu Hatim qal, matalan huna, walakin Abu Hatim yaqul, inna mujahid, inda su'ad mursal, kama fi tahdib al-tahdib. Il te jam'a. Lakin hadal jam', c'est un jam'a ilmi. Farahmatullah alayhi. Et ça, ça montre anna. Al-insan, quand il a un juhd, il fait attention à riya. Il essaye de faire croire qu'il a fait, qu'il a fait. C'est pas n'avait à ça. Al-tawadu' c'est muhim. T'as stafid min wahid, tu le dis. Stafid tu min fulan. T'as pris cette faïda de tel livre, tu le dis. Min kitab kata, tu notes la référence. Amma faire croire que c'est tout toi, ça fait du mal à la niya. On cite une faïda. Il a cité page 21. Il te cite un hadith. Il peut être mu'al. Et كذلك, ça ne veut pas dire que le hadith, khalas, il est daïf. Tu comprends que tous les hadiths qu'il a cités chez Mokbel 1 dans ce livre, ça ne veut pas dire qu'elles sont daïf. Là. Il a trouvé cette tariqa, les mu'alla. Robbama, tu trouves une autre tariqa, le hadith, il est sahih. Mathalan, il te cite, il te dit, وَذَلِكْ كَعَنْ عَنَتِ الْمُدَلِّسِ On l'a vu. Mudallis, il dit an. Tu as cette première tariqa, c'est mu'all. Khassatan, si... خاصةً si si ce rawi c'est un imam c'est un thiqa ربما بعضهم يكونوا سبحانه سام مدلس مهم ils vont dire مُعَلِّ قال كعن عنة المدلس الذي تضر عن عنته ثم جاء من طريق تنتهي إلى ذلك المدلس وفيه تصريحه بالسماع tu trouves une autre tariqa il dit pas عن comme on avait vu في صحيح مسلم قتادة عن من طريقة شعبة vous rappelez ثم une deuxième tariqa قتادة il dit سمعت l'imam مسلم il te cite Un jahil, il prend la première tariqa, il a appris que Qatada, c'est un mudallis, et dès qu'il dit an, il faut faire attention, il dit pourquoi l'imam muslim, il a cité hada? Hada là, l'imam muslim, c'est un imam. Il t'a cité la deuxième tariqa pour te montrer que an, an, et Qatada, fil haqiqa, il a entendu. Donc ça fait aucun mal. Hada, c'est muhim. Faire attention de ne pas se précipiter. Khassatan, les débutants, au début, Rubama, il connaît quelques masail fil hadith, un isnad, il croit que. C'est bon, il a compris et yahjum. Et il dit maintenant, va'i vivou lan la. Reviens toujours à imma. À imma. Imagine, tu dis, va'i, on vient, on regarde kalam al-Bukhari, kalam l'imam Ahmed, kalam l'imam Daraqutni, al-Hafid ibn Hajar, tout cela, pas un, il a dit va'if, comment tu fais? Ça veut dire que t'as manqué quelque chose, Akhil Karim. Tu viens à regarder, en fait, eux, ils ont trouvé une dizaine de toroq pour renforcer. Al-Hadar, al-Hadar, la précipitation, c'est pas taïb fil ilm. Ne pas confondre ijtihad. Et faire des efforts et précipitation, c'est deux choses différentes. Fali hada, Cheikh Mokbel, il dit, فعلى هذا لا يجوز لطالب العلم أن يحكم على الحديث بالضعف بمجرد أن يراه في كتب العلم. Attention لهذا. Tu trouves maintenant le livre de Cheikh Mokbil في العلم. On ne va pas citer le livre de l'imam Daraqutni, qu'il est compliqué. لكن maintenant le livre de Cheikh Mokbil, et Cheikh Yahya, il nous faisait souvent le tambih في هذا. Il faisait souvent, quand il lisait min ahadith mu'alla, il disait, ya ikhwan, ça ne veut pas dire que Cheikh Mokbil il a cité, que Cheikh Mokbil il da'af complètement le hadith. Là, il te montre cette tariqa li mu'alla, li anna avi ya fulan fulan. Amma rubbama, le hadith tu le trouves dans le jami' sahih avec une autre tariqa. La mani'a. Enfin, faire attention à hada, c'est pas tous les hadiths que tu trouves fi kutub al-ilam, tu dis là, le hadith il est fi kutub al-ilam, il est da'if. Abadan. قال الشيخ مقبل فعلى هذا لا يجوز لطالب العلم أن يحكم على الحديث بالضعف بمجرد أن يراه في كتب العلم فربما يكون صحيحا من طريق أخرى فانتبهوا لهذا il peut être mu'al أنه لمرسل de cette طريق tu le trouves un imam il te le rapporte avec une autre طريقة il est متصل مرفوع عن فلان من الصحابة خلاص الحديث il est صحيح لكن لا طريقة qu'il a cité tel imam elle est ضعيفة فيها علة l'autre طريقة elle est bonne قال أو صحيحا عن صحابي آخر كذلك حديث لمعل عن ابن مسعود مثلا أي ست طريقة لمعلة مثلا فلان لا بانتندو ابن مسعود العلماء يجروا معلة حديث ابن مسعود لمعل تتخوف اكزاكتمون لمام حديث عن أبي هريرة متصل صحيح لمتن سلمام اتوا انتوك طالب عين لمتن لان امبورتانس اسانسيال سي مهم لان الحكم تلو بخوض المتن Enfin, le maître, ça sera le même. Maintenant, il y a halal, ou mise en garde contre un haram, ou autre chose. Le maître, c'est bon. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment dit ça. Lakin, tu sais que ce maître, c'est un Abi Huraira. C'est pas un Ibn Mas'ud. Amma ma abalouk ou ahad, il connaît pas tout ça, où il se frise vite. Il a vu que le hadith, il est mu'al. Et khalas, il voit le maître, il dit là, le hadith, il est daïf. Si t'es pas ce maître, ça, c'est une musiba. Et ça arrive, lil asaf. قال بل ربما يكون الحديث في مجمع الزوائد بسند ضعيف وهو في الصحيحين عن صحابي آخر صحيح tu trouves ce hadith ضعيف dans un kitab il a donné l'exemple de مجمع الزوائد et ربما tu le trouves عند البخاري ومسلم واحد qui fait pas attention il dit mais pourquoi le hadith il est ضعيف dans ce kitab le sahabi c'est pas le même ça te montre qu'une tariqa elle est ضعيفة certains imams ils l'ont mis dans le ضعيف une autre tariqa elle est صحيحة d'autres imams ils l'ont mis dans le صحيح toi tu prends les deux tu dis عن فلان il est ضعيف et عن فلان il est صحيح أما المتن إلى صحيح إلى صحيح طيب استفدنا الآن après tout ça cette introduction entre guillemets في المعل نقرأ التعريف et on cite un mythe قال والمعلل في الاصطلاح هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته من أن ظاهره السلام et ça c'est مهم ça te montre Tout le reste, on l'a compris, walillahi alhamd. Hadith, elle l'a dit, tout le avis à la illa. Hadith, il y a un défaut. Lakin, il y a une précision, illa, taqdah. Ce qu'ils appellent, al-illatu al-qadiha. Ou al-qadh, ma'rouf, c'est qui fait du mal. Cette illa, elle fait du mal. Ça te montre qu'il y a des illa, elles ne font pas de mal. Maintenant, un imam, il a rapporté ce hadith. Le hadith, c'était hadith Abi Huraira. Il s'est trompé, il a dit Ibn Mas'ud. Est-ce que cette illa, elle fait du mal? Lesh, l'ibala. Ils sont udoul, ça fait aucun mal. Il a remplacé un thiqa par un thiqa. Fulan, il n'a pas entendu un Abi Huraira. Il n'a pas entendu. Al-Hufad, ils te disent Fulan, il n'a jamais entendu un Abi Huraira. Al-An, cette illa, elle fait du mal. Entre lui et Abi Huraira, entre lui et Abu Huraira, il manque wahed, c'est qui? Et là, ça change tout. Mafhoum, fa illa, taqdah, fait suhat al-sanad, et une illa, la taqdah. Elle fait aucun mal. Qala. Il a cité un bab amthilatu lil'illa ghayr al-qadiha. Hada fi kitab Cheikh Mokbel, Ahadith Mu'alla, page 20. Au début, c'est ibara an muqaddima, avant qu'il cite tous les hadiths, il cite des fawa'id fi al-'ilal. Nakhtasir al-kalam, l'exemple qu'il a cité, qala l'imam ad-Daraqutni rahmatullah alayh wa akhraja jami'an حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن سعيد المقبول عن ابي عن ابي هريره حديث المعروف قصة المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ils ont trouvé une illa قال وقد خالف يحيى يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه أصحاب عبيد الله أي عبيد الله c'est le sheikh de يحيى il a خالف les autres élèves c'est une illa قال منهم أي les akhalif tous, les élèves de Ubaydullah. Minhum Abu Usama, wa Abdullah ibn Numayr, wa Isa ibn Yunus, wa ghayruhum. Qal wa rawahu an Ubaydullah, an Sa'id, an Abi Hurayra. Naam, Sa'id al-Maqburi. Qal, falam yathkuru abah, an Sa'id al-Maqburi, an Abi. يحيى ابن سعيد القطان يغبط الحديث عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. Donc il a cité le père de Saïd al-Maqburi. Tous les autres, les élèves de Ubaydullah, que ça soit Abu Usama, que ça soit Isa, etc., ils rapportent le hadith عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة directement. Il cite pas son père. Donc c'est une illa. Alors il y a quelque chose. بعضهم يسيت le père, بعضهم يسيت pas. يحيى بن سعيد القطان سا إمام لكن إذا خالفت لزد قال فلم يذكر أباه ورواه معتمر عن عبيد الله عن سعيد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ديريكتومو معتمر هو إلى غابورت الحديث عن سعيد أي المقبوري ديريكتومو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستيني لو بير ني أبو هريرة مرسل قال ويحيى حافظ يحيى بن سعيد القطان إمام معروف قال ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين ستعلال في بادمال يحيى بن سعيد إمام إذا أكسبت سو حديث ربما عبيد الله اللي غابوقتي عن سعيد المقبوري سون بير عن أبي هريرة ربما سعيد المقبوري ديريكتومون عن أبي هريرة لأن لعله إلا أنتوندو عن أبي هريرة فربما إلا غابوقتي الحديث دو سون بير ربما إلا غابوقتي الحديث إلا أنتوندو ديريكتومون عن أبي هريرة إذا أكسبتي لي دو طرق ستعلال ألف أوكمال. Et ça, ça arrive. Ça arrive qu'un raoui rapporte le hadith à un autre, à Abi Huraira, maintenant. Tout le rapporte le hadith à Abi Huraira. Pourquoi? Parce qu'il a entendu ce hadith avec une wasita, maintenant son père, et il a entendu qu'avec le hadith directement à Abi Huraira. Fayajouz, tu rapportes les deux. Maintenant, moi, j'ai entendu une parole de Sheikh Yahya directement. Je vous dis, qala Sheikh Yahya, je vous cite sa parole. Cette même parole, un frère, il me l'a rapporté. Il m'a dit, ah, Foulan, Sheikh Yahya l'a dit. Un jour, je vous rapporte, je vous dis, Foulan, il m'a informé que Sheikh Yahya l'a dit. Un autre jour, je vous dis, Sheikh Yahya l'a dit directement. Il n'y a aucun mal. Je l'ai entendu directement et je l'ai entendu par une noire. C'est pas ma vie, j'ai. Cet illa, il fait aucun mal. Comment il a cité un. Il a cité un. Il faut faire attention, un. C'est pas chaque illa qui rend le hadith daïf. Là, il faut que ce soit un illa qadiha qui fait du mal. Ah, mais ce genre de illa, il ne fait pas de mal. Voilà. La preuve, kadhalik, c'est que l'imam muslim. Naam. Et l'imam Bukhari nous rapportait hadith Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Et l'imam muslim, qu'alwa akhraja muslim hadith Yahya d'une man khalafa. Non, ben l'imam muslim, il a cité le hadith de Yahya, et il n'a pas cité les autres. Ça montre que a'tamada ala riwayat Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Et l'imam muslim, c'est un hafid. Ça, c'est un tambih muhim. Donc, il faut que ça soit une illa, pour que le hadith soit daif, ou cette riwaya daifa, il faut que l'illa soit qadiha. Et elle fait du mal au sanad. On répète le tarif, والمعلل في الاصطلاح هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر هو السلامة. أما l'exemple qu'on a cité, le hadith tu dis pas il est mu'all. بل روي من الوجهين. قال الشيخ سعيد قال وقد تكون العلة غير قادحة في صحة الحديث كإبدال ثقة بثقة. On l'a cité. مثلا il y a une علة. Ils ont rapporté le hadith d'Ibn Mas'ud et en fait le hadith il est d'un Abi Huraira. Haqiqa ça fait aucun mal. Le hadith il est sahih et il y a une erreur et remplacer un thiqa par un thiqa, khassatan un sahabi, ça fait aucun mal. Lakin on dit as-sawab c'est pas Ibn Mas'ud, as-sawab c'est Ibn Umar. Intahina. Qal Ibn Salah wa yahsul ma'rifa dhalik al-illa bi kathrat at-tatabbu' wa jam' at-turuq. Il te montre comment connaître une illa, comment savoir qu'il est mu'al. Quatre de turuq. Tu vas t'apercevoir avec toutes les turuq que Foulan, en fait, il n'a pas entendu un Foulan. Tu vas t'apercevoir, hada, khassatan avec al-tamakun, avec le quwwa al-ilmiya, avec les tila, avec kalam ahl al-ilm, tu t'apercevras, hada. Nassallah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Et toujours, tous les aqsam qu'on a vus, ay, fi dha'f, vous vous rappelez, à chaque fois, comment faire pour reconnaître jam'u turuq. Toujours. Ça te montre que ce ilm, il est basé sur hada. C'est pour ça que Ilal al-Daraqutni, Ilal ibn Abi Hatim, tout ce livre, c'est jamais un turuq. C'est aussi de Foulan, plein de tariqa. Kadhalik, kitab al-Sheikh al-Albani, al-Sahih al-Da'ifa. Il te cite les turuq, et à la fin, il y a un hukm. Amma, un tariqa, et se précipiter, ça, c'est pas min amal al-Muhaddithin. Abatan. Kadhalik, t'as-tu vu de min hada? Anna, si Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, sahaha hadith. Et Cheikh Mokbil, il le dha'af. Si tu viens faire des recherches et tu trouves que Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il a rajouté une tariqa, il a rajouté des choses, et Cheikh Mokbil, ouais, il t'a dit dha'if par rapport à la tariqa qu'il a trouvée, tu prendras kalam Cheikh Al-Albani. Ah, là, c'est avec le turuq. Là, c'est pas. Même le muhaddith, ouais, quand il dha'af, ça veut pas dire qu'il te dit le hadith, tu le trouveras jamais sahih. Lakin, ouais, le hadith qu'il a devant lui, le isnad, il te dit dha'if. Il y en a fihi fulan fulan. Lakin, avec les recherches, ça peut changer. La preuve, Cheikh Mokbil lui-même, des hadiths, il les a cités via le Jami' al-Sahih, ou Sahih al-Musnad, tout le monde, il les a cités à hadith mu'alla. Et avec les recherches. Avec les recherches, il a trouvé des choses. Ah, là, c'est mohim. Le Jami' al-Turuq, c'est minahem ma yakun fi adal'il. Et ça prend du temps, et il y a une façon. Une façon, vous apprendrez ça fil bahth. Des doulous fil bahth. Et il y a même des rasa'il qui sont écrites là, laquelle le mieux, c'est de faire avec un mudarris, et il t'expliquera. Il va te citer comment tu recherches un hadith. Tomma. Comment chercher des turuq? Il y a des livres spéciaux. Avec les moyens qu'il y a, les ordinateurs, les logiciels. Lakin, le mieux c'est de faire avec les livres. Le mieux c'est de faire avec les livres. Et tu t'aides avec les nouvelles technologies, bien sûr. Khasatan, si il te manque un livre, tu le trouves que dans un logiciel. Là, ben. Lakin, la base c'est avec les livres. N'ouvrez pas cette porte. La base c'est avec les livres et tu t'aides. C'est une aide, les technologies. Mais tout faire sur ordinateur comme ils font l'un, les muhaqqiqin, ils t'haqqaquent un livre avec l'ordinateur. Robama, il ne sait même pas quoi, c'est qui foulan, foulan. Fakat, l'ordinateur, le logiciel, lui, il dit dha'if, il dit dha'if. Là, hada, c'est pas taïb. Enfin, vous apprendrez, hada. Vous allez voir qu'il y a des livres. Tu sauras comment faire jam' al-turuq. Tuhfat al-ashraf, etc. C'est des livres. Des masanid, kadalik, mustad, imam Ahmed et autres. Il va te montrer la suhadith. Et comment chercher toutes les turuq. Et Inch'Allah, c'est un dars moufid, fil bah. Ça, c'est après avoir compris le mustalah. Dès que t'as fait quelques livres, t'as compris, Thomas, tu fais le bah pour pouvoir chercher, pouvoir faire des recherches sur hadha al-bab. Qala wal illatu qad takun fi sanad wa qad takun fi al-matn. Ça, c'est une autre faïda. Al-illa, elle peut être dans l'isnad et elle peut être dans le matn. Inch'Allah, avec les exemples, on va résumer tout ça. On conclut, قال والمعل من قسم الضعيف. المعل من قسم الضعيف. Ça ne veut pas dire que le hadith il va être forcément ضعيف. Là, il peut être ضعيف complètement. Lakin, avec une autre tariqa, il pourra être le matn sahih et le isnad ou qu'il y a l'illa il est ضعيف. Lakin, il y a un autre isnad. Hada, vous avez compris. Alors, نقرأ أمثلة. المعل, il est à la قسمين. Illa, في المتن. Et deuxième qism, illa fil isnad. Amma illa fil matn, qala Cheikh Hussein, mithl hadith Anas fi Muslim, fi nafi qira'at al basmala fi as-salah. Taqaddam ma'ana qabla ayyam. Qala wal hadith fi as-sahihayn bi lafd sallaytu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw khalfa an-nabiy mudaf ilayh. Sallaytu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Qala fadhanna ba'd ar-ruwa annahum la yaqra'unaha la sirran wa la jahran farawahu kadhalik. Certains rawi, ils ont rapporté le hadith et en haqiqa c'est ijtihad min, ils ont compris que tu lis pas le basmala. Alors que Anas, radiyallahu anhu, quand il a dit « Fakanu yastaftihuna bilhamdulillah ay jahran » Ils lisaient le basmala sirran. Ba'duhum, ils ont rapporté « Annahum, ils ne lisaient pas du tout le basmala. »« Fadhanna ba'du ruwa annahum la yaqra'un la sirran ou la jahran » Ça, c'est mu'al. Ça, c'est une illa. Ay, fil matn. Al-an, c'est une illa fil matn. C'est un rajou. « Annahum, ka'anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa al-khulafa al-thalat, ils ne lisaient pas le basmala. » وهذا لا في الحديث الحقيقة يبقى صاصن علة في المتن قال معلل الإسناد وهو أنواع كثيرة هذا يبكد أمثلة كوصل المرسل ما معنى وصل المرسل تقدم معنا on a pas vu avec ce تعبير هذا لكن vous pouvez comprendre وصل المرسل سن علة المرسل معروف أن تابعين أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم دونك يا سقط في الاسناد الان قال وصل المرسل سو مرسل كي انسق اذا وصل نعم السيد كانه لو اسناد tu le vois كانه il est pas مرسل avec les recherches al huffaz il montre que ce hadith il est مرسل فمرسل يا سقط الان العله tu le vois plus ce سقط كانه يا اتصال ça c'est une illa في الاسناد قال او رفع الموقوف الحقيقه الحديث اللي موقوف مثلا موقوف عن ابن مسعود tu trouves un isnad عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الحفاظ ils vont dire le hadith il est pas مرفوع الصواب il est موقوف عن فلان من الصحابة le fait de موقوف il passe à مرفوع c'est une illa قال والإدراج والتدليس etc قال ومن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري قال الحفاظ عيسى بن يونس وصله والرواة يرسلونه دونك عيسى بن يونس وصله إلى حديث أن إسناد متصل لزود خروة إلا السيد مرسلا المرسل من قسم ضعيف فصل مثال في الإسناد لكن لفت البخاري لا سيتي وربما ينو الطريقة فبغل الصواب إلى معمن لكن نحن مجرد مثال حتى تفهم فرق أمثلة من كتاب الشيخ مقبل أحاديث معلة ظاهرها الصحة إلى سيتي حديث نمو 25 قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند قال حدثنا محمد بن فضيل قال أنبأنا الأعمش سليمان بن مهران معروف الإمام عن أنس قال رضي الله عنه كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ما وجد ما يفتكها حتى مات ظاهره الصحة الإمام أحمد محمد بن فضيل الأعمش أنس قال الشيخ مقبل أبقى بقصد الحديث قال هذا الحديث رجاله رجال الصحيح دونك الحديث ظاهره إلى صحيح قال وهو منقطع الأعمش لم يسمعه من أنس الأعمش إلى بونتو الحديث عن أنس قال الشيخ مقبل وقد رأى c'est pour ça que c'est une illa لأن الأعمش إلى rencontré أنس دونك ظاهرا si tu sais هذا أنت tu vas te dire l'اتصال أعمش إلى rencontré أنس et le reste c'est واضح donc le hadith il est صحيح ولم يسمع من أنس وقد رأى أما il l'aurait jamais rencontré il y aurait une génération deux générations les ulama ils auraient dit منقطع واضح الأعمش il est بعيد عن أنس لكن الآن ils se sont rencontrés لكن il n'a pas entendu هذا comment il a su Cheikh Mouqbil اسمع قال Cheikh Mouqbil قاله علي بن المديني كما في جامع التحصيل qui s'est cassé de cette faïda علي بن المديني الإمام il a cité أن الأعمش il n'a pas entendu ce hadith عن أنس celui qui tombe ou qui trouve ce kalam de Ali ibn al-Madini, il va savoir. Lakin, ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que les ulama vont le rapporter, qu'à l'imam Ahmed. Un autre, il va venir, il va dire, là, il y a une illa. Fulan, il n'a pas entendu un fulan, qalahu Ali ibn al-Madini. Ça, c'est un exemple tayyib. Al-illa, les khafiyyya, dit-ten, huna. Jami' al-tahsil, taqaddam ma'ana, ce kitab, il est mufid. Musnad Sahl, ibn Abi Hathma, radiyallahu an. Qala, Cheikh Mouqbila, rahmatullah alayhi, qala ibn Abi Asim, rahimahullah, fi sunnah. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لحقق سليم السنة لابن أبي عاصم كتاب مفيد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال عن معمر عن الزهري عن سهل بن أبي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من قريش ولا تعلموها قال أبو بكر هو ابن أبي شيبة دونك ظاهره الصحة قال ولكنه منقطع ففي ترجمة سهل بن أبي حثمة أي الصحابي قال ففي ترجمة سهل بن أبي حثمة من تهذيب التهذيب وأرسل عنه الزهري ça te montre que الزهري الحديث الآن اللي مرسل الزهري il a pas entendu ce hadith عن سهل tu trouves هذا أين dans ترجمة سهل بن أبي حثمة dans تهذيب التهذيب أما si tu viens pas faire les recherches ou tu trouves pas cette faïda pour toi الظاهر c'est l'اتصال l'important de revenir à كلام أهل العلم مسند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه في السنن قال حدثنا مسدد معروف رجال البخاري قال أخبرنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا قال هذا الحديث شيخ مقبل قال شيخ مقبل هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح celui qui a l'habitude de lire le sahih, il remarque هذا directement. قال ولكن رواية هشام ابن حسان عن الحسن ضعيفة. Pourtant c'est des أئمه. لكن cette رواية de هشام عن الحسن elle est ضعيفة. لماذا؟ قال ابن علي ما كنا نعد هشاما في الحسن شيئا. الرجال c'est des أئمة, لكن le fait que هشام يغبط عن الحسن العلماء ce imam عن هذا ils acceptent pas. بل عندهم لا تساوي شيء. Ça te montre que c'est une illa. انتهى من تهذيب التهذيب. والله سبحانه وتعالى الموفق. On a un peu طول في المعل لأنه مهم. Inch'Allah, les prochains livres que vous verrez, vous détaillerez هذا أكثر. Pour demain, cherchez des amthila min bulugh al-maram. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.